Flamingos. Flamingos. Flamingos. Quand on entend ces notes, on sait qu'on est dans le Flamingos et c'est ça qui fait du bien aux oreilles. On est heureux de vous accueillir dans le podcast des experts approximatifs. C'est nous qui sommes là. Et pour commencer cette émission, on va faire un petit tour de table. Bah, moi, c'est Jack et à côté de moi, j'ai... Brie. Très heureuse de vous retrouver. Bah, on est très heureux de te retrouver également. Il y a Ludie. Salut à tous. En pleine forme. Oui, je suis très contente d'être là. Bien. Et nous avons Jean-Kev pour sa deuxième participation. Bonjour à tous. Oh, Jean-Kev, t'as mangé du lion. Ouais, je suis à fond là. Attends, on va refaire même le réglage de micro, vas-y. Ouais, je suis à fond là. Il est à fond. Vous avez entendu quand même ça. C'est une équipe de choc. Je suis très heureux de vous accueillir tous les trois. Là, ça fait du bien. On est en ordre de marche pour une thématique pas simple. C'est les paradis pas si artificiels. Ça vous évoque quoi, tiens, Brie, ce mot paradis pas si artificiel ? Question difficile. Ouais. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, le paradis, donc quelque chose de théoriquement qui est super, qui est bien. Ah, bah ouais. Qui pourrait paraître faux, mais qui n'est peut-être pas tant que ça. Tu crois au paradis, du coup ? Au paradis pas si artificiel. Pas si artificiel, ok. Donc, le paradis artificiel, quand même, on peut le dire, c'est les drogues. Et nous, on pense au paradis pas si artificiel, donc les drogues qui font du bien, qui font pas de mal. C'est ça, ce soir, on est un peu fleur bleue. C'est ça. Ludie, toi, ce mot paradis pas si artificiel, ça t'évoque quoi ? C'est de prendre les drogues façon bien fait, plutôt. Bien fait. Tous les bienfaits des drogues, mais avec en plus les bienfaits sur la santé. J'ai cru d'ailleurs, c'est se prendre le maximum de drogues et de voir si c'est pas si artificiel. Toi, Jean-Claude, c'est un petit peu un spécialiste en plus. En fait, je veux pas balancer, mais on a deux spécialistes. Ludie m'a dit qu'elle connaissait un petit peu les vraies drogues. Oula. Il y a des fausses. Non, elle fait le nom de la tête. ou des gens qu'on a pris peut-être. On est assez... peu à l'aise, sur le sujet, on s'y connaît pas tant que ça avec Brie. Non. Deux, vous êtes quand même donnés comme les spécialistes, hein, je vous le dis tout de suite. Les spécialistes approximatifs. Complètement approximatifs. Voilà. Et toi, Jean-Kev, ça t'évoque quoi, le paradis pas si artificiel ? Le paradis artificiel ou pas artificiel ? Pas si artificiel, pas si artificiel. Bah écoute, ça m'évoque que de belles choses, que de bons souvenirs. On en apprendra plus au cours de ce podcast. Qui a un sommaire, figurez-vous ? Ah ouais, parce qu'on a investi dans une machine, ça s'appelle une imprimante. Du coup, on a sorti un sommaire. Et Brie, tu es en charge quand même de nous dire... la thématique va être développée sous plusieurs angles. Quels sont ces angles ? Eh bien, tout le monde a des petits trucs, des petites astuces, des petites routines pour se rebooster, pour être serein, pour se sentir serein, pour se vider la tête. Donc, on va faire un petit tour de table, parler un petit peu des trucs et astuces de chacun. D'accord, pour être bien, quoi, voilà, pour se sentir bien assez vite. Eh bien, ça j'ai hâte. Hein. Ensuite, nous allons avoir l'honneur d'entendre les recettes de Ludie. Donc, des conseils sur des fruits, des légumes, des plantes, comme elle disait tout à l'heure, avec des bienfaits inattendus. Ouais, en off, elle nous a dit qu'il y avait des plantes, on allait être surpris. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que là, il y a tous les internautes qui sont vraiment en train de noter quelles plantes il va falloir acheter en masse. Nous allons ensuite aborder avec toi, Jack, des anecdotes qui pourraient... nous empêcher de vouloir commencer à prendre des drogues. Ouais, tomber dans la vraie addiction dure, là. On parle avec Ludie des choses légères, des plantes, des choses naturelles, pardon. Voilà, donc des anecdotes qui peuvent nous dissuader de commencer. Il ne faut pas tomber dans le côté chimique, voyez-vous. Et donc, moi, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas tomber dans ce côté-là. Nous aborderons ensuite avec moi le top 5 des choses à éviter lorsque vous voulez vous relaxer. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on veut se relaxer. Voilà. C'est pas une bonne idée. Pourquoi ça rentre dans cette thématique pas si artificielle ? Bah, c'est pour être bien, justement, il faut s'éviter certaines choses. Et bien, Brie, elle a le top 5. Voilà. Ensuite, Jean-Kev va nous faire la surprise personne n'est au courant de quoi il va nous parler. Et même lui. C'est ça. Jean-Kev, vas-y. C'est quoi, Brie, du coup ? C'est la carte blanche de Jean-Kev qui va nous parler de la thématique paradis partial. Paradis partial. Donc, c'est chiant à dire. C'est la carte blanche de Jean-Kev qui va nous parler de la thématique du paradis pas si artificiel. J'ai hâte de découvrir ce qu'il nous aussi. A préparé. Très bien. Bah, super, hein, c'est un bon début de podcast avec un sommaire. Ma voix bien croustillant. Et puis, il faut se détendre après. Tout à fait, il faut se détendre. Après avoir bien rigolé et bien échangé, et ben, on fera un petit test de respiration. Oui, bah oui, parce que l'oxygène, c'est une forme de drogue, hein. Naturelle, très bonne. Et indispensable. Donc, on vous dira comment bien l'utiliser pour multiplier par 3 ses bienfaits. Par 3, je suis très précis. C'est magnifique. Alors, on commence par un petit tour de table, justement. Tiens, Jean-Kev, j'ai envie d'entendre Jean-Kev. Dis-moi. Quels sont tes trucs et astuces quand t'as un petit coup de blues et que tu veux te booster parce que t'as un truc à faire ou t'as besoin d'énergie? Eh ben, moi, je vais courir. Ouais, ça me vide bien la tête quand je suis bien énervé. Tu cours souvent? Ouais, je cours souvent, ouais. Le week-end surtout, ouais. Ouais. Tu fais combien de kilomètres, tiens? Écoute, en ce moment, 10 kilomètres, hein, je dirais, à peu près. Ouais. Il y a une drogue quand tu fais du sport, l'endorphine, non? C'est ça? C'est ça. Donc, c'est une drogue naturelle que tu sécrètes tous les week-ends. Effectivement, ouais, je fais ça tous les week-ends, du coup. Et ouais, ça fait du bien. Ça vide la tête. Et puis, ouais. Attention de pas trop tomber dans l'addiction du sport. Hein. Bah ouais, il y en a pas mal de gens qui sont addicts du sport comme ça. Ils ont du mal même à ressortir, hein, mais ouais, c'est bien, mais faut le faire tranquille, hein, pas énervé, pas des marathons quoi. Hein. Non, moi je le fais petit tour du quartier quoi. Hein. Nous dans notre un grand quartier quand même, c'est 10 km. Ouais. Tu peux faire le tour, tu peux faire 10 fois 1 km. Les quartiers, c'est des champs, tu sais. Et ben moi dans la ville dans notre ville de cœur, avec Brie, je voyais souvent quelqu'un qui n'arrêtait pas de courir. Il faisait que ça. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà vu. Si, je crois. Quelqu'un. Mais alors, c'est incroyable parce que je me suis aperçu qu'il courait tout doucement et qu'il était hyper maigre et c'était une drogue. Oui, mais on parle de... Enfin, je pense que tu vois le même. Oui. Parce que qui a habité notre ville voit cette espèce de marathonien continuel, perpétuel, qui courait. Pas forcément avec des tenues de sport, d'ailleurs. C'était ça, je me souviens pas. En kawaii. Enfin, c'était assez... Et lui, il était complètement tombé dedans. Mais c'est pas le cas de Jean-Kev qui utilise le sport. Vraiment. Oui, bon escient, toujours. Bon escient. Et en même temps, c'est pas la drogue la pire, je pense, tomber dans le sport. Non, mais je pense qu'il peut y avoir des inconvénients. Ok. T'es noté. Dit une non-sportive. Et toi, Ludie, c'est quoi ton petit truc et tes petits trucs et astuces pour te rebooster d'un coup, repartir de plus belle? Bah, ce serait plutôt partir marcher soit vraiment dans la forêt ou vraiment côté mer, quoi. Eh, on revient toujours aux arbres, à la nature. La nature qui nous rebooste, c'est un bon truc, ça, hein. Et ça te fait du bien, tu sens des effets, tu planes quoi, quand tu es près de cette mer avec ce parfum iodé. Moi, ça me fait hein, des trucs. Oui, ça vide la tête, un petit peu comme la course à pied, je pense, mais moins intensif niveau sport. Mais, moi, ça me manque. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'est pas allé près de la mer et je ressens comme un manque de ce parfum. C'est vrai. Ouais. Qui est allé à la mer dernièrement? Non. C'est pas trop la saison, mais... Si, moi, bah, j'y passe... Le plus clair de mon temps. Non, j'y passe régulièrement sans pouvoir m'arrêter longtemps, mais... Tu ouvres la fenêtre pour sentir. C'est ça. Tu la vois tous les jours, la mer? Non, pas tous les jours. Fait nuit, peut-être, en ce moment. C'est ça. Tu pourrais la voir tous les jours? Oui, je pourrais la voir tous les jours. Et je l'entends. Pas tous les jours, mais je peux l'entendre. Ça compte. C'est ta drogue, c'est bien. Et toi, Brie? Eh bien, j'aime beaucoup la nature, mais j'ai un petit truc qui me détend assez, on va dire, insolite. Ah. Un truc bon, qu'on va savoir. Un petit truc qu'on pourrait penser que c'est un petit truc de vieille, quoi. J'adore tricoter pour me détendre. C'est génial, ça. C'est beau. Voilà, les vieux métiers qui reviennent, c'est beau. Et ça fait comme une méditation, en fait, le tricot. Hein. Oui, voilà. Ça, je me concentre sur mon tricot, je m'auto-hypnose. Et tu fais des jolis bonnets, je les ai vus, ils sont très beaux. Des petits, quoi. J'aime pas, je suis pas patiente, donc je fais pas des grosses pièces. Non, on verra tes œuvres. On mettra peut-être des photos, tiens. Je vais pas m'engager trop, mais... Et ben, moi, j'aime bien la musique. On parlait de musique, c'est vrai que on n'a pas forcément parlé, mais une musique, ça détend énormément. C'est Alors, vrai. J'aime bien un petit peu ce qui est acid jazz. Je vous ai ramené des bonbons aussi. Je trouve qu'il n'y a rien de plus réconfortant qu'un bonbon. Vous savez, ces petites soucoupes que vous avez là aujourd'hui à portée de main. Je peux en avoir une, s'il vous plaît. Ça va être ma drogue. Vous savez, ces soucoupes avec cette espèce de petite mixture blanche. Ne pas confondre avec de la vraie drogue. Oh, trop bon. Voilà. Génial. Je vous fais écouter une petite musique qui, éventuellement, pourrait me détendre. Alors, je sais, par exemple, sur Brie, que ça fait l'effet inverse, souvent, hein, les musiques que j'écoute. J'aime pas les musiques que t'écoutes. Comme ça, c'est clair. Fermez les yeux. On est dans un ascenseur. Ça sent bon. Non, pour moi, il y a un petit côté mer, là. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout, non. Ouais, moi, je suis avec toi, quand même. Ah, Brésil. T'as un côté Brésil. Un côté ascenseur. Près de la mer. Avec un poster du Brésil derrière, avec le Rio de Janeiro en fond, non? Eh ben moi, écoutez, ça me détend un peu la musique, vraiment. Ah, c'est bon, moi je suis détendu là, c'est... Ça y est, je suis bien. Bon, on a vraiment parlé de choses assez, assez naturelles, ça fait plaisir. On est dans la thématique des paradis pas si artificiels, les bonbons, si je résume, bah, la musique bonbons, d'ascenseur. Quoi ? Les bonbons, c'est pas très naturel quand même. Oui, oui, c'est vrai, mais c'est pas dangereux pour la santé si on se lave les dents, évidemment. Brie, toi, c'est le tricot. Vraiment, là, c'est vraiment sain. C'est une activité saine. Et j'ai les doigts musclés. C'est vrai. La nature, pour Ludie, la mer ou la forêt, terre-mer. Ça pourrait être le nom d'un restaurant. Ça l'est déjà. Ça l'est. Oh, je pense qu'il y a 15 000 restaurants qui s'appellent entre terre et mer. Et Jean-Claude, c'est le sport. Bah oui, toujours le sport. Ouais. Il nous a fait 10 pompes. Vous ne l'avez pas vu. Ouais, là, bah mais... ouais, j'en fais là. Bon, c'est pas mal pour cette petite mise en bouche. Et ben, on va commencer avec... Eh bien, on va prolonger justement cette thématique des paradis pas si artificiels avec des choses de la nature. Des choses de la nature, Ludie. Quelles plantes, quels légumes, quels fruits ont des vertus incroyables, presque des drogues naturelles? Alors, bah, quand j'ai voulu un petit peu chercher pour préparer cette petite chronique, j'ai vraiment trouvé beaucoup, beaucoup de choses. Alors, j'aurais pu vous faire... je pourrais vous parler pendant des heures des super aliments, de tous les bienfaits que l'on peut trouver dans l'alimentation. Je pourrais vous faire la liste des super aliments, des super fruits très riches en nutriments, micronutriments, antioxydants, vitamines et minéraux. Je pourrais aussi vous expliquer comment ils renforcent notre système immunitaire et boostent notre santé. Açaï, acérola, baie de goji, graines germées, poudre de maca. On pourrait en évoquer encore beaucoup d'autres. Hein. Je suis sûre que vous en connaissez d'autres aussi. Le et... quinoa. Le quinoa. Tout ce qui finit en A. Le soja. Et on pourrait aussi se tourner vers les nombreuses études scientifiques qui mettent en lumière des bienfaits inattendus de certains aliments du quotidien, comme les yaourts à la vanille. Les yaourts à la vanille. Et oui, qui produisent une forte émotion positive et qui permettraient de lutter contre l'hypertension et la déprime. Mais juste un yaourt à la vanille. Ouais, c'est vraiment la vanille, en fait. Ils ont fait des études et en laissant un parfum de vanille dans les entreprises, en fait, ça apaisait un petit peu les relations et les conflits. C'est bon à savoir. Ouais, on prend note, hein, ouais. Jean-Kev. Ouais, on va lancer de la vanille partout, du coup, c'est sympa. Bonbon à la vanille. Mais yaourt à la vanille, c'est sympa. Il y a un petit côté très gouléant. Il y a encore, une multitude d'études qui ont été faites. Mais l'intérêt, moi, pour les amandes, j'ai essayé pour soulager les maux de tête. En fait, il y a une substance dedans qui est la même substance que l'aspirine et qui est vraiment très efficace pour soulager les maux de tête. Donc, en fait, le tour d'horizon de tous ces super aliments prendrait une dizaine d'émissions, beaucoup trop de temps. Donc, moi, j'ai choisi de vous présenter deux substances. Déjà, amandes, yaourt, vanille, ça fait déjà deux. Mais on en a deux autres qui arrivent. Autres qui sont vraiment bien particulières et leurs bienfaits sont très spéciaux. D'abord, je vais vous parler de la spiruline. Ça me parle. Elle est vraiment considérée comme le meilleur aliment pour l'humanité, selon l'OMS. En fait, la spiruline, c'est une micro-algue particulièrement riche en protéines, en fer et en vitamines. C'est pour ça qu'elle est intéressante, c'est par son apport en protéines. Et l'UNESCO le considère même comme l'aliment idéal et le plus complet de demain. La spiruline, ça se présente sous forme d'algue, du coup, c'est une algue. C'est une algue de couleur bleu verte, soit sous forme de paillettes ou de comprimés. On peut l'acheter sous les deux formes. Elle aurait un effet cardioprotecteur. Elle favoriserait le bon cholestérol, boosterait les systèmes immunitaires et aurait des vertus anti-âge. Et encore, la liste des bienfaits est très longue et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la spiruline. Spiruline. Ça n'a pas de goût, je crois. C'est un goût assez neutre. Assez neutre, ou celles de très bonne qualité ont un goût plutôt agréable. Sinon, c'est plutôt neutre. Tu en as déjà mangé, Ludy ? Oui. Ben, pour faire le plein de fer et dans une alimentation plutôt végétale, c'est quand même conseillé. Et tu le mets dans quoi ? Dans un gâteau, c'est ça ? Non, ça peut être des comprimés à avaler. Ou alors les paillettes peuvent se mettre dans un yaourt. J'aime beaucoup le côté paillettes, Jean-Kev. Bah écoute, mais moi, j'ai déjà goûté du flan au Guémon. Au Guémon ? Ouais, Guémon, ouais, rigole. Non, c'est vrai. Flan au Guémon. C'est possible, ça, ouais. Attends, j'étais tout petit, moi, quand on avait fait ça. C'est toi qu'on a goûté, c'est mais toi ouais, qui mais, ça. Mais je ne sais plus si c'était une autre algue, mais il me semble que c'était du Guémon. Et ouais, on avait fait un flan au chocolat. C'était vachement bon. Et au Guémon. Oui, ouais, bah c'était. Je pense que c'était du Guémon. Est-ce qu'il y a de la spiruline du coup dans le Guémon ? Non, c'est pas la même algue. Ah, c'est pas la même algue. Non, c'est pas la même algue. Mais je crois qu'il y en a dans des. Il y a des smoothies, des jus de fruits qu'on peut acheter avec de la spiruline. Oui. Ah ouais. D'accord. Vous êtes bien calé sur la spiruline. Mais t'en as déjà bu ? J'en ai déjà bu, figurez-vous. Mais il ne fait que boire, cet homme. Tu peux me rappeler où j'en ai bu ? Bah, t'en as bu plusieurs fois parce que j'ai dû en acheter et t'en as bu. D'accord. Voilà. Une boisson donc à la spiruline. Bah, il y a pas que de la spiruline dedans, mais oui. Ça faisait partie des ingrédients. Voilà. Super. Je prends soin de toi. Et c'est beau. Je voulais aussi vous parler, en parlant de drogue non artificielle, je voulais parler bien sûr du CBD en fait. On peut pas ne pas parler du CBD dans cette chronique. C'est une substance chimique, en effet, mais elle est issue du cannabis et elle agit sur le système nerveux central. Mais contrairement au THC, qui est la substance contenue dans le cannabis... Après, tu nous dis que tu n'y connais rien. Elle connaît tout elle sur connaît les drogues. Quand même, hein. Et ben, le CBD n'a pas d'effet psychotrope. D'accord. Et n'a pas d'effet d'accoutumance. Donc, c'est vraiment une substance qui présente de nombreux bienfaits. Elle présente notamment un bienfait, c'est un antalgique naturel qui permet de faire face à la douleur. Et il y a de nombreuses personnes qui commencent à se tourner vers le CBD pour arrêter les antidouleurs, par exemple. C'est un somnifère naturel grâce à ses effets relaxants et anxiolytiques. Donc, il favorise l'endormissement. C'est un antistress puissant aussi qui aide à lutter contre le stress émotionnel, l'anxiété de manière générale. Il permet de lutter contre certains troubles neurologiques. Et enfin, il serait efficace contre les affections cutanées. Donc, on peut le trouver sous forme d'huile, sous forme de tisane. C'est aussi un produit qu'on peut avoir chez soi et qui présente de nombreux intérêts. En as-tu chez toi du CBD ? Oui, il y a une tisane au CBD qui était vraiment excellente le soir pour bien s'endormir. D'accord, vraiment là, dans le cadre de détente totale. C'est ça. Vive le CBD. Il y a de plus en plus de boutiques qu'on voit fleurir. Ouais, c'est vrai. Sur le CBD. Qui en a acheté ? Donc, lui dit oui. Oui, moi, j'en ai acheté aussi déjà. Ouais. Et toi, tu le consommes en... Bah écoute, bah moi, je l'ai connu qu'en fumant, du coup, alors je l'ai fumé. Bah, c'est pas très agréable. Ah ouais ? Non, pas trop. Bah, tu t'es endormi tout de suite ? Quoi, hein, c'est toujours l'histoire du tabac. C'est pas top, top. Mais effectivement, ça détend, puis ça a pas l'effet où t'es défoncé, en fait. Hein. Vraiment, t'as pas cet effet-là, quoi. Hein. Vraiment, t'es pas stone. Non, pas du tout, non. C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Ouais, j'aime bien, ça va. Mais j'ai jamais pris autrement qu'en fumant, et c'est vrai que mon frère avait des problèmes de sommeil, je lui avais conseillé de manger, de se faire un space cake en CBD, quoi. Ça a pas marché du tout, quoi. C'était nul. J'ai même pas réussi à le faire, le truc. Enfin bref. Ouais. Ils ont des drôles de repas parce que entre le flan au goémon et au chocolat. Faut essayer tout dans la vie. Hein, c'est... Space cake. Non mais j'étais très très très nul. Hein. Au CBD. Ça n'a rien fait. Du coup il a très mal dormi. Mais ouais, non, je pense que c'est une alternative pas mal, même face aux médicaments, tout ça, qui peuvent être assez costauds pour dormir. Au moins, le CBD, bah, si tu veux bien dormir, par exemple, c'est pas mal, je trouve. C'est ça, nature. C'est nature, ouais. Et t'as pas l'effet, justement, d'addiction, quoi. Et même pour l'appétit aussi, j'ai entendu parler. Il n'y a que des vertus. Mais ouais, fumez. Non, fumez pas, non. Mangez-le. Mangez-le. Et je crois qu'il y a des produits cosmétiques aussi. Oui, des crèmes, justement, pour tout ce qui est eczéma, acné. Il y a des crèmes qui contiennent du CBD. CBD, on en veut toujours plus. D'ailleurs, vous avez vu, hein, les chers internautes, on vous avez dit que les deux spécialistes, ils étaient en la personne de Jean-Kev et Ludy. Eh ben, vous n'avez pas menti. Merci, Ludy, pour ces produits que tu nous as appris à connaître un peu mieux. Pour ceux qui connaissaient, bah, c'est pas une découverte, c'est une confirmation que la nature apporte son lot de bienfaits et de surprises. Et moi, je reprends une petite soucoupe de bonbons acidulés. Ah bon, j'ai tout mangé. Flamingos Podcast, le podcast de potage qui tâche. Après ce moment très informatif, nous allons enchaîner avec des anecdotes que tu nous as trouvées normalement. Oui, alors pour les anecdotes, comme on a deux spécialistes, moi je voudrais que tout le monde participe justement. C'est les anecdotes pour ne pas commencer des pièges artificiels que je suis allé chercher sur le site VDM. Vous connaissez tous VDM ? Oui. Allez, tu me donnes la traduction. Vie de merde. Vie de merde. C'est un site que Brie, tu affectionnes. Hein. Ah bah, ça fait partie des choses qui peuvent me détendre. De lire des choses sur la vie des autres, on se dit ah bah finalement la mienne n'est pas si mal. C'est ce qu'on parle de catharsis, c'est ça ? Ou je dis des bêtises ? J'ai dit des bêtises, allez. VDM, toi, Ludy, tu connais ? Oui, je connais. J'avais vu aussi une filiale de VDM, on va dire, vie de maman plutôt. Ah, vie de maman, c'est bien ça. Et du coup, c'est un peu toutes les anecdotes des mamans qui endurent. Et aussi les situations un peu de merde. Donc, vie de maman, c'est la fille à vie de merde, tu vois. C'est sympa. Allez, je vais vous lire trois anecdotes pour vous dissuader justement de tomber dans le côté obscur des paradis artificiels. C'est écrit par naturopathe, figurez-vous. Et naturopathe, elle travaille dans un hôpital et elle dit ceci: aujourd'hui, sage-femme, je reçois une patiente paumée et enceinte. Elle me dit que ses joints sont bio, car c'est son mec qui cultive le cannabis. Donc, qu'elle peut en prendre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, elle se rassure quand même un peu. Hein. Ben, ah, ça peut être bio, c'est sûr. Mais... Non, à déconseiller, bien ouais, évidemment. Prenez du CBD. Alors... Une autre anecdote, c'est Escobar qui nous envoie ça. Aujourd'hui, après avoir reçu de nombreux messages d'insultes et appels de numéros qu'il ne connaissait pas, il a appris que son numéro était utilisé par un dealer qui arnaquait les gens. Ça vous est arrivé, ça, que des gens vous appellent pensant que vous n'étiez pas la bonne personne et... Alors moi, ça m'est arrivé, c'était très amusant. Enfin, avec le recul, c'est très amusant. Pour lui, ça devait être beaucoup moins. Ou en tout cas, pour sa copine. Quelqu'un qui m'a appelé en pleine nuit, qui s'est trompé de numéro et qui m'a largué au téléphone, sauf que j'étais pas la bonne personne. Et j'avais beau lui dire qu'il avait pas appelé la bonne personne, il n'entendait rien. C'est incroyable. Et du coup, tu t'es fait larguer par quelqu'un que tu connaissais pas. C'est ça. C'est génial comme histoire. Et tu disais, mais c'est pas moi. Oui, mais il m'a pas cru. Arrête, il faut que je te dise des choses sérieuses. Il était tout à fait net ou... Bah, c'était en pleine nuit, donc je pense qu'il était peut-être en soirée, j'en sais rien. En tout cas, il s'exprimait correctement. J'ai compris qu'il me larguait, mais... Justine, c'est fini. Voilà. C'est pas la peine de recommencer à m'appeler. Ok, très très bien. Donc ça peut arriver, des erreurs de numéro. Donc si vous avez le numéro d'un dealer, votre vie est une vie de merde. De merde, merci. Troisième et dernière anecdote pour ne pas commencer à sombrer dans les paradis pas si artificiels, c'est Maman Tox qui nous raconte ça. Elle nous dit ceci. Aujourd'hui, je trouve un sachet de cannabis dans la poche de mon fils. Bien décidé à lui remonter les bretelles, je prends le sachet, saute dans ma voiture et pars le chercher chez sa copine, chez qui il passait la nuit. Devinez qui s'est fait contrôler par la police. Maman Tox qui avait le sachet. Bien joué. Ah ouais. C'est une VDM ça. Hein. Son fils a dû bien rigoler. Ouais, la police aussi. du coup, elle a dû lui dire non, c'est pas à moi, bah, c'est à mon fils. On nous dit toujours ça, ça va, hein, vous allez finir au poste. Bien, ah, j'en ai une dernière si vous voulez. Allez, vas-y. Option. C'est Marmiton qui nous envoie cette dernière petite anecdote. Il nous dit ceci: aujourd'hui, repas chez ma sœur et c'est ma mère qui cuisine. L'après-midi se déroule dans un état d'euphorie générale. Apparemment, le pot d'herbe de Provence de ma sœur contient plutôt de l'herbe magique. Voilà. Wow. Ouais. Attention, hein, faut pas mélanger. C'est vrai. Moi, c'est arrivé à un de mes collègues, tu vois. Alors, on est friands des anecdotes. Oui, il y avait plein de gâteaux sur la table. Il a mangé un gâteau, du coup, qui était agrémenté de weed, en fait. Hein. C'était un gâteau, un space cake, quoi. Un space cake. Sauf que lui, après, il passait une semaine après des examens pour l'armée. Donc voilà, il en a pas mangé beaucoup, ça allait du coup. Il a réussi ses examens. Il a réussi à intégrer. Ouais, il a réussi ses examens quand même. Mais j'ai un autre collègue sans savoir, vraiment sans savoir. Et lui par contre, il avait pas d'examen quoi que ce soit, hein, sauf qu'il était complètement défoncé et voilà. Et il a jamais fumé de sa vie le gars et c'était sa première expérience et il s'en souvient, je pense, encore maintenant. Alors attention, hein, quand vous allez chez Jean Kev, ne prenez pas n'importe quel pas chez moi. Jamais de cake. C'était pas chez moi. C'est pas vrai, c'était pas chez moi. Quand vous allez dans la sphère des amis de Jean Kev, ne prenez pas de gâteau, surtout. Vous demandez, attention. Hein. Restez aux chips. Hein. C'est ça. Oh non, surtout pas les chips, elles sont au goût aimant. Pas la farine. Ah non, surtout pas. Vous écoutez Le Flamingos, l'émission thématique des experts approximatifs, aujourd'hui consacrée au paradis pas si artificiel. On enchaîne avec la suite et justement, c'est le top 5 des choses à éviter lorsque vous voulez vous relaxer. Donc là, c'est pour ne pas sombrer dans une drogue. Il vaut mieux être en bonne santé physique, en bonne santé morale. Donc évitez ces 5 choses. Alors, je ne sais pas si vous aimez faire les papiers, il y en a peut-être qui aiment bien faire de l'administratif. Ah non. Moi, je déteste. Faire des papiers administratifs, essayer de retrouver des factures, envoyer des mails. Ah non, il manque un papier. Je crois que c'est la pire des choses. Mais c'est l'horreur, voilà. Clairement. Surtout pas avant de dormir. C'est ça. Sinon, on ne dort pas. Et on y pense toute la nuit. Et puis, ben, le matin, on se remet à chercher les papiers, essayer de renvoyer les mails. Et puis, il suffit que l'ordinateur ne marche pas. En plus, alors là... Et là, vous tombez forcément dans la drogue parce que il faut échapper à cette pression administrative. Ça s'appelle d'ailleurs de la phobie administrative. Il y avait un ministre célèbre qui en était atteint. Du coup, il avait oublié de payer ses impôts pendant des années, le pauvre. Oh, c'est beau, ça. Le pauvre. C'est beau. On le salue. Alors, il y a autre chose. Une chose, je ne sais pas vous, mais je pense que c'est pour beaucoup de mamans, en tout cas. Ah. Parce que c'est souvent les mamans qui font les courses. Et faire les courses aux heures de pointe, dans les grandes surfaces, chez les traiteurs, quand c'est rempli de gens pressés qui vous bousculent avec les caddies, qui veulent... Voilà, non, c'est pas le moment détente. Il suffit de prendre en plus les enfants et là, ça devient la catastrophe. Ou alors qu'on a déjà faim. Ah oui, ça, c'est une catastrophe. Pire. Parce qu'on achète tout. Ouais. Un coup à sombrer aussi dans l'alcoolisme. Hein. Donc, je sais pas s'il y a des heures. Non, des maintenant, il y a un drive. C'est magique, ça, le drive. J'étais sûr que le féru de mais technologie. C'est un truc d'homme, ça. Ah oui, c'est vrai, mais bon, on c'est trouve pratique. Pas tout le drive. Ouais, mais bon, au moins ça évite justement les magasins et le tout le bazar qu'on peut avoir là-dedans. Quoi. C'est vrai que c'est. Donc c'est... tu fais tes courses au drive. Ouais, que du drive. C'est clairement. Toi qui fais les courses. Non, c'est pas moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas des embouteillages? J'ai été une ou deux fois. Si, le vendredi ouais. À 17h30. Au drive. Hein. Au drive, ouais. C'est l'embouteillage. Ça marche, c'est vrai, même c'est pas, vrai. Ouais. Non, puis il suffit qu'ils aient oublié quelque chose, que les dates ne soient pas les bonnes non plus. Non, c'est pas, ça détend pas beaucoup plus. Je trouve qu'on gagne du temps, mais c'est tout. Ça l'a moisi. Après, est-ce qu'il y a des heures, des jours à privilégier, à éviter ? Au micro, c'était pété la gueule. Voilà. Ça l'a moisi. C'est mieux. Non, mais tu te fais rembourser très vite. Hein. Ils sont pas chiants, les mecs. Hein. Même si c'est un truc qui est bon, tu te fais rembourser tout de suite. Tu te dis, bah non, la date est passée. Et puis, bam, ils te remboursent tout de suite. Ah, des fois, la date n'est pas passée, mais ça ne t'arrange pas parce que tu ne vas pas manger ton poisson, ta viande et tout le même jour. Quoi. C'est vrai. Donc, si tout est pour le lendemain, voilà. Je suis peut-être une cliente casse-pied. Est-ce qu'il y a des jours, des heures à éviter selon vous ? Le vendredi, c'est clair. Vendredi, samedi à éviter. N'allez surtout pas faire des courses. Enfin, non. Sachant que les retraités, je ne veux pas balancer, mais font souvent... Ah, c'était sûr. Ils font souvent leurs courses. Les retraités font souvent leurs courses le samedi matin. Je suis désolé de balancer, mais ouais. C'est un fait. Ils ont besoin de voir du monde. Ah oui, c'est ça aussi. C'est le ça. Côté social. Mais après, il va faire chier le monde aussi. Clairement. Ils veulent passer les premiers. Bah oui, ils sont, voilà. Bah oui, ils sont pressés, ils sont à la retraite. Donc, du coup, c'est... Le Flamingos, l'émission qui aime les personnages. Alors là, je vais vous parler. Les parents vont comprendre. Je ne sais pas si vous faites les devoirs avec vos enfants. Voilà. Oui. Ludie. Oui, la sixième est un vrai fléau pour... les parents. Tu viens de prendre une mine d'un Reprends un bonbon. Allez, je me resserre. Donc, faire les devoirs avec les enfants, déjà, c'est du temps passé, essayer de se remettre dedans quand c'est un peu compliqué. Et puis, comme nous, on n'est pas toujours très motivés non plus, des fois, on est comme les enfants, on repousse un peu le moment des devoirs. Et faire les devoirs au dernier moment, et bien là, on va s'apercevoir qu'il manque une feuille, qu'il n'a pas écrit tout, et bien on va stresser. Et on va sombrer dans un paradis artificiel. Voilà, complètement artificiel. Donc, ne faites pas les devoirs de vos enfants au dernier moment. Soyez prévoyants. Ça te parle, Ludie ? Complètement. Les tiens, ils oublient des fois, parce que les nôtres, ils oublient tout le temps. Ben, j'ai envie de vous dire, jusqu'à la sixième, franchement, c'est du gâteau. Ah, du voilà. Space cake. On repart dedans, là. C'est pas le mien. À partir de la sixième, c'est autre chose. Elle sait qu'on n'est pas loin de cet sixième. Âge. Donc, ça, c'est pour nous préparer, c'est gentil. C'est ça. Ok, ben on prendra la spiruline, t'inquiète. C'est pour raccrocher. Vous avez vu comment elle est bien faite, cette émission ? Ouais, magnifique. C'est trop fort. J'aurais un petit conseil. Les devoirs des enfants peuvent rentrer là-dedans, d'ailleurs, dans les plannings. Pour pas se stresser quand vous voulez vous relaxer, l'idée c'est quand même de pas surcharger son planning. Donc une journée rendez-vous médicaux, professionnels, les courses, les invitations le soir, le grand ménage, enfin voilà, c'est si vous surchargez votre planning, vous rajoutez les devoirs des enfants en plus, alors là En fait, c'est se mettre une pression à vouloir faire 10 choses dans la journée alors que vous savez très bien que vous n'y arriverez pas et que vous ne ferez même pas 3 bien, quoi, tu vois. Oh si, les femmes y arrivent, mais elles sont stressées. Ok, mais je parlais des hommes, bien sûr. Faites pas trop de choses. Vous faites une chose extrêmement bien, voilà, c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. Hein, et votre femme fait le reste. Non. Elle est piquante. Désagréable. C'est une façon de se relaxer. Oui, je fais une chose bien et puis On se relaxe comme je ça. Délègue. Moi, Jean-Kev, avec toutes ces piques, je vais tomber dans des paradis artificiels. J'en peux plus. Est-ce que vous dormez bien? Ça dépend. Ça dépend des jours, ça dépend du stress. Pas si bien que ça, figure-toi. À cause de quoi? À cause de quoi je dors pas si bien? Ouais. Attention à ce que tu vas dire. Savoir que je vais me lever tôt, que c'est une nouvelle journée qui commence avec les... Ben justement, tu parlais des plannings un peu chargés. Ça peut être une source d'insomnie. Et toi, Ludie, tu dors bien? Plutôt bien avec... La spiruline. Le CBD. Je fais une détox. Le cocktail de CBD spiruline. Je suis complètement chuté. Avec des journées bien chargées, ça aide bien ça aide. À bien dormir. Mais c'est vrai que quand, parfois, les jours de rentrée, quand on sait qu'il faut absolument se lever, on ne dort pas bien. C'est vrai. Et toi, Jean-Claude? Moi, je dors super bien. Ouais. C'est vrai? T'as jamais eu de problème avec ça? Non, jamais. Non. Je fais beaucoup de sport, en fait, malgré la course. Ça, je fais aussi de l'escalade, tu vois. Et quand il tombe, il dort bien. Souvent, je m'éclate la tronche par terre et je dors. Ça fait une semaine qu'il dort. Il a fait une chute de 15 mètres, ça fait une semaine qu'il dort. Il dort vachement bien, le mec, hein, t'as vu? Mais c'est vrai. Bah ouais, le sport ça aide à vider la tête, et puis après on dort vachement bien. Donc tu dors bien. Ouais, donc du coup je dors assez bien, ouais, ça va. Voilà, donc le sommeil, c'est important, donc enchaîner les nuits courtes forcément, ou les nuits où on pense ou on dort mal. On cogite, bah, c'est pas bon. Ouais. Ça empêche de se relaxer. D'après vous, combien d'heures il faut? Ah oui, pour dormir bien. Nombre d'heures idéal. Moi, j'avais entendu une petite histoire, une anecdote de Napoléon Bonaparte qui me l'avait racontée. Il disait, pour un soldat, c'est 6 heures. Pour un homme, c'est 8 heures. Et une femme, 9 heures. Il était très macho. Un peu, ouais. Légèrement, le mec. Hein. Ouais. Mais... Je sais pas si l'anecdote est vraie, mais ça m'a toujours fait rire. Je vous l'ai dit. Magnifique. Parce qu'elle dort moins bien à cause de son mari qui ronfle à côté, donc elle a besoin d'une heure de plus. Sûrement. Alors, c'est quoi le chiffre parfait pour dormir, qui serait une drogue vraiment naturelle, le sommeil, hein, d'ailleurs? Et je pense que ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup dormir, d'autres un peu moins. Je dirais que la moyenne est autour de 8 heures. Mais il y a une petite chose, il me semble, mais bon, en tant qu'experte approximative, les heures de sommeil avant minuit sont plus réparatrices qu'après. Elles comptent double, oui. Voilà. C'est du sommeil profond. C'est ça. Parce qu'on a trois sortes de sommeil, apparemment. Ah, vas-y, autre expert approximatif. Sommeil profond, sommeil léger et sommeil paradoxal. D'accord. Et maintenant, il y a les petites montres connectées qui nous permettent justement de savoir ce qu'on a en sommeil profond, sommeil léger et sommeil paradoxal. Effectivement, quand on a beaucoup de sommeil profond, bah, on se repose beaucoup, beaucoup plus, et c'est souvent justement en début de, enfin, en début de sommeil. Ça tient au rythme cardiaque, peut-être, du coup, le repérage par rapport à la montre? Ouais, sûrement, je pense. Ou il est dans tes rêves et il sait, oh là là. Le mouvement aussi, ouais, sûrement, peut-être. Ouais. Le moment, d'accord. Le mouvement. Le mouvement. Si t'es agité. Bah ouais, aussi, ouais. Toi, t'as ce type de montre? Pas du tout, non. Pas du tout. Ma compagne, du coup, ouais. Et elle sait quand elle dort profondément. Bah ouais, elle paradoxal. Dort, elle se couche assez tôt, elle dort 9 heures, mais tu vois, elle se repose pas beaucoup parce que souvent, elle a quoi, genre une heure de sommeil profond. Ouais. Tu vois, moi, je dors 7 heures, mais par contre, j'ai au moins 3 heures de sommeil profond. Et comment tu sais, t'as pas la montre? Non, mais je prends sa montre, du coup. Pour tester. C'est pour ça que. Des battles de sommeil profond, tu sais, la nuit, c'est super. J'ai mieux dormi. Tu nous prêteras la montre? Non. Elle est rose. Hein. Ah, c'est pas grave, hein. Tu dors. Hein. Il y a des cycles aussi. Je crois qu'il faut respecter les cycles, pas se réveiller en plein milieu d'un cycle. On se réveille plus fatigué. Ah oui, bah, si tu casses le sommeil profond, peut-être. Par exemple. Tu es profondément déprimé. Voilà. Et tu prends de la drogue. Et tu... Voilà, très bien. Tu recolles à la thématique. Oui, bah oui. Allez. Allez, reprends une petite coupelle de, ah là, de poudre blanche. Tu me forces. Hein, mais... Allez. C'est de la cocaïne dedans ou... Ah, c'est de la cocaïne, c'est du sucre. C'est marqué acide, hein, monsieur. C'est beau. C'est vrai. C'est marqué acide. Eh bien, merci pour ces conseils pour éviter de tomber du côté obscur des substances chimiques. Respectez bien ce top 5, très important. Relaxez-vous. Relax. Relax. Mika, il chantait ça. Eh bien, merci Brie pour, pour ta toux. Merci Brie pour ce top 5 des choses à éviter pour ne pas sombrer dans les paradis artificiels et rester avec des choses naturelles. Eh bien, nous allons continuer avec une carte blanche, je crois, de un quart d'heure. Tu as un quart d'heure. Un quart d'heure. C'est Jean-Kev. J'ai pas préparé un truc d'un quart d'heure, moi. As-tu seulement préparé quelque chose? Pas autant que Ludivine, non? Ludie, pardon. Ludivine, je ne connais pas. Ludie. J'ai pas préparé grand-chose. Je suis désolé. J'ai pas travaillé, hein, mais je vais peut-être trouver quelques idées sur des drogues qui sont, on va dire, bon. Ah, c'est un peu artificiel, quand même. Tu inventes la chronique, là? Mais complètement, je suis en roue libre, je suis désolé. Je suis en roue libre. Bah écoute, déjà, mon paradis... alors, mon petit kiff, moi, qui me détend ce soir, tu vois. Il refait le tour de table. Non, bah non, du tout. Vas-y. Non, c'est la télé, monsieur. Il va nous parler du sport. Non, je mate un match de foot. Moi, j'adore le sport, hein, vous avez vu. Ouais, ouais. Donc, toi, c'est la télé. Ouais, c'est... la télé, ça me détend pas mal le soir. Ouais, j'aime bien. Un flow continu où t'as pas besoin de réfléchir. Ouais, exactement, ça... Je vais pas dire que ça me vide la tête, hein, mais écoute, ça me détend pas mal le soir. Tu t'assois là, c'est la grosse boîte qui t'endort. Mon canapé, mon feu et mes chocolats. Voilà, j'adore le chocolat aussi. Voilà. Ah. Ouais. Bah, le chocolat, c'est un nom. Alors, si me... des experts approximatifs. Écoutez bien. Il me semble que ça, c'est vite la déprime, le chocolat. C'est, le ça, chocolat c'est un antidépresseur. Exactement. Donc, moi, je bouge beaucoup de chocolat, hein, tu vois, et du coup, je ne déprime pas beaucoup. Et t'arrives à t'endormir devant la télé? Moi, non. Ma compagne, oui. Et d'ailleurs, à ce propos, elle est assez endormie il n'y a pas plus tard qu'hier soir. Et justement, elle s'est aperçue qu'elle a eu 1h30 de sommeil profond sur le canapé, tu vois. Voilà, quand on a découvert un truc, c'est qu'elle dort mieux dans le canapé que dans le lit. D'accord. Donc c'est vraiment le premier sommeil qui est celui du sommeil profond. Ouais, c'est celui qui est plus réparateur. Du coup, c'est vraiment les premières heures. Donc non, moi, je dors pas dans le canapé, moi. Non, moi, je... Non, mais c'est pas grave. Hein. Non, mais... Moi, j'aime pas dormir dans le canapé. Ouais, j'aime pas. Ouais, j'aime pas m'endormir devant la télé et puis me réveiller, la télé est allumée. De la bave. Ah ouais, non, j'aime pas ça. Avec un gros filet de bave, ouais. Sinon, ouais, la bouffe, hein, c'est vrai que c'est bon, ça peut être aussi un... Je parlais du chocolat. Du chocolat, ouais, bien sûr. Quand on se fait des bons gueuletons aussi, c'est qu'on est le ventre bien rempli, là, ça fait du bien. Hein. On se sent détendu, une bonne raclette, par exemple. Oh là là, pour dormir, ouais. C'est génial. Ah, c'est extraordinaire. Non, bah, en général, la raclette, elle se finit pas trop... Enfin, elle se finit tard. Donc, du coup, t'as le temps de digérer. Ouais, t'es bien calé, tu t'endors. Voilà, quoi. C'est ça. Donc, la télé, c'est vraiment une drogue. Un peu artificiel quand même. C'est complètement artificiel. Ouais, tu peux dire. Là, t'es tombé dans une drogue dure. Moi, je suis que dans l'artificialité, ça se dit. Oui. Ah, ouais, t'es un mec artificiel. Complètement. Le chocolat, c'est sympa. Ouais. J'aime bien le chocolat. Ouais, le chocolat. Et la raclette. Choses qui se marient tellement bien. Ouais. C'est naturel, ça. C'est pas. C'est naturel. Pas... Ça, on était dans la thématique. Le fromage, il peut être vachement artificiel quand même. Mais. Ça dépend d'où il vient, quoi. Eh bien, on applaudit très fort Jean-Kev. Kev qui était complètement à l'arrache. Il nous a fait une chronique de merde. Sans filet, comme ça, en roue libre. Roue libre. Total, vraiment. Ouais. Il parle sport, la bicyclette, le roue libre. La roue libre, c'est bien. Allez, on va finir par une phase détente totale. Parce que l'oxygène, mes amis, l'oxygène est la première drogue que nous respirons tous. Oh, c'est beau. Et j'ai trouvé sur un site, le site L.fr, on a quelques conseils pour savoir bien respirer et pour avoir des respirations reboostantes, comme de la drogue, mais naturelles. Alors, la première respiration, je vais mettre un petit peu de musique. Je vous ai calé un truc un peu détente, qu'on n'entend pas, évidemment. Écoutez bien, ça va arriver. On est bien, on est dans le Flamingos et on va commencer tous ensemble par tester une méthode de respiration du Yoga Club avec la respiration solaire Surya Beda, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Le but, c'est chauffer son organisme pour retrouver sa vitalité. Alors bouchez-vous la narine gauche, je veux vous voir boucher avec votre doigt. La narine gauche. Ça y est, tout le monde a son doigt sur la narine gauche. Puis respirez par la droite, évidemment, 5 fois. Ensuite, bouchez-vous la narine droite et respirez 5 fois par la gauche. Est-ce que vous sentez la vitalité venir en vous? Je me sens un peu con, mais... mais on ne fait pas d'expiration du tout. On inspire, nous n'expirons pas, nous étouffons. Ah, vous n'avez jamais respiré? Expirez, monsieur. Tu nous dis d'inspirer, mais nous n'expirons pas. D'accord, alors effectivement, non, c'était pas précisé. Donc ne faites pas ça chez vous. Ouais. C'est dangereux quand même le yoga. Hein. C'est ça. Allez, deuxième respiration, celle-là, vous inquiétez pas, elle est complète. Ça va de l'expiration à l'inspiration, en passant par l'inspiration et l'expiration. Elle s'appelle la respiration Kapalabhati. Kapalabhati. Oh. Tu connais? Oui. Oh, lui dit, tu me scotches d'un coup. Kapalabhati? Oui. Kapalabhati? Oh, ouais, oh, ouais. Ils l'ont aussi. Tu veux nous en parler ou tu veux que je le fasse? Bah, vas-y. Et pour le coup, celle-ci, elle est vraiment. Ah, l'autre était nulle. Elle est vraiment énergisante, celle-ci. Eh ben, on y va. Écoutez bien. Kapalabhati signifie en sanskrit crâne brillant, donc pas de cheveux, très lisse. Sanskrit, voilà, comme moi. Sanskrit, vous savez ce que c'est? C'est une langue un peu indienne. Donc, on est vraiment dans la pratique du Bouddha, du bouddhisme. Du Bouddha, on pratique le Bouddha de façon très, très. Bouddha noir, le. Le Bouddha noir, surtout. J'aime bien le Bouddha blanc aussi, avec les truffes. Donc, en sanskrit, ça signifie crâne brillant. Le but, c'est chauffer le corps, purifier du coup le corps, le tonifier et oxygéner les cellules, figurez-vous. Alors, je vous explique. Voilà comment vous allez faire. Vous allez expirer par le nez de petites rafales brèves d'air, puis inspirer de façon passive en fermant les yeux. C'est ça, Ludy, toi qui connais bien? Oui, et prof de yoga conseillait de se moucher avant de faire cette respiration. Elle connaît beaucoup mieux. Il vaut mieux parce que sinon, tes micros, ils vont morfler. On le fait tous ou pas? Bah, vas-y. Hein. Il y a des spécialistes. C'est parti. J'ai pris un shoot d'oxygène. Là, on a perdu Jack. C'était bon. C'est ça, vraiment, on expire 5 fois. Mais en fait, il faut rentrer le ventre. Ah ouais, j'étais pas... Tu rentres le ventre. D'accord. Et tu fais... Qu'est-ce qui lui arrive? Super. C'était vraiment très, très podcastique, hein. C'est tout à fait à l'oral. On rentre le ventre et vous expirez 5 fois. Il faut se moucher nez, ta prof a raison. C'est ça. Tu fais où du yoga, du coup, Lydie? J'en faisais à Lannion avec une super prof qui s'appelle Anne Le Guélec, que je vous recommande. D'accord. Et j'ai arrêté. Mais tu reprendras. Mais peut-être. Je reprendrai parce que c'est vraiment une super activité. C'est ta petite bulle à toi, ça te fait du bien. Super. Ah, vous n'allez pas me croire. Vas-y. Du yoga aussi. Yoga, il fait tout. Hein. Yoga. Il fait tous les sports. Jean-Kev, j'aime beaucoup le sport, hein, vous avez remarqué. Hein. Jean-Kev, tu fais tout. Mais oui, mais j'adore. Mais j'ai commencé ici il y a quoi, 3 ans, tu vois. Et maintenant, j'en fais 1 heure par semaine, mais ouais, c'est top. Hein. Vraiment, c'est extraordinaire comme sport. Mais justement, enfin, c'est quoi appeler ça un sport? Ta compagne te voit des fois. Parce que je me posais la question. Entre sur le canapé. Sur le canapé. Avant avec des chocolats. Vous voyez? Oui, on se voit quand même, on se voit. Brie, qui s'était absenté, on vient d'apprendre que Jean-Kev faisait du yoga aussi, comme Ludy. Oui. D'accord. Et du coup, il fait de l'escalade, il fait de la course à pied, il fait du yoga. Il regarde la télé. Ouais. C'est le seul moment qu'il partage. Bah oui, sauf qu'elle s'endort. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on avait noté aussi. Et alors, le prof est sympa? Ouais, super prof. Béatrice Lemoyle, ouais, vraiment une super prof et je recommande. Si vous voulez pratiquer du yoga et de la respiration, alors pas celle de Jack, hein. Oh, c'était pas mal quand même. Donc il y a deux salles, enfin deux ambiances géographiques. Ludy, toi c'est vers Lannion. C'est ça. Et moi c'est Morlaix. Et toi c'est Morlaix. C'est ça. Voilà. Bien, mais t'es détendu. Hein. Merci. Vous êtes tous détendus. Une petite salutation avant de venir. Je me sens bien. Moi, ça m'a fait du bien, cette émission. Je n'ai plus envie de sombrer dans les paradis artificiels. Au départ, je dois dire que le thème, c'était un peu pour éviter de tomber du côté obscur. Et ça m'a convaincu de rester sain, de manger de la spiruline. Et vous ? Eh ben, je suis convaincue. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Vas-y. J'ai découvert la sophrologie. Ah oui ? Et c'est top. T'aimes bien ? Ouais. Ah, mais c'est cool. Ça, pour moi, c'est des choses que je place à côté du yoga. C'est des cousins. Alors, c'est des cousins, mais je crois que c'est pas exactement la même chose. Maintenant, les cousins, des fois, s'entendent pas. Non, c'est pas que c'est une autre. Enfin, c'est deux façons différentes d'aborder. De la détente, quand même. C'est de la détente, mais pas de la même façon. Okay. Sophrologie, voilà. Autre discipline à bien retenir pour éviter de sombrer du côté obscur des paradis artificiels. Et toi, Ludie ? Eh bien, écoute, c'était très intéressant d'écouter les petites habitudes des uns et des autres pour un petit peu aussi avoir des nouvelles idées et changer un peu nos habitudes pour vraiment être zen au quotidien. Moi, je trouve qu'on en apprend toujours des autres. C'est incroyable. Jean-Kev ? Bon, moi, pas du tout. Du coup, t'as rien appris ? Non, pas du tout. Non, Si, on a appris plein de choses aujourd'hui, hein. C'est top, hein. Ça m'évitera de prendre trop de drogue, d'alcool, tout ça, et voilà, je fais une petite cure, je pense, hein, cette année, hein. C'est la nouvelle année en plus, là, donc, ouais. En vrai, l'émission était un peu pour toi, pour éviter de... Merci, que tu bascules. Retiens... Je suis déjà dedans. Je sais. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était le Flamingos. On vous dit à très bientôt. Ciao! Ciao! Salut! Bisous! On n'a pas parlé du sexe d'ailleurs, c'est vrai. Ah oui. Pourquoi tu gardes les bonbons pour toi ? Mais non, mais en fait, il n'y a pas de souci. Ludie, ton pseudo, c'est Ludie, c'est ça ? Je ne joue pas avec le micro. Flamingos Podcast. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer.